Exercice 8. J'habite au centre d'un village au bord de la mer. Dans ma rue, il y a beaucoup de magasins. Mon appartement se trouve au-dessus d'un restaurant au premier étage. En face de chez moi, il y a mon magasin préféré, la boulangerie, qui se trouve entre la librairie et la boucherie. Au bout de la rue, il y a une jolie place avec des arbres et des bancs. Au centre de la place se trouve une fontaine.